E dunque siamo per parlare della carovana femminista indetta dalla Marcia Mondiale delle Donne, un evento internazionale che, se volete trovare informazione, potete andare su il sito Marcia Mondiale o contattare femvan@marciamondiale.com. Questa caravana che abbiamo già presentato si terrà dunque Camminerò Insieme dal 8 marzo al 17 ottobre 2015 in una caravana che andrà dalla Turchia al Portogallo per visibilizzare le nostre diversità sessuali, politiche, economiche nel quadro della nostra quarta azione internazionale. E questa carovana è chiaramente anticapitalista, antipatriarcale, vuole legare le lotte delle donne dai paesi che stanno per attraversare, e questa società dove le donne e gli uomini devono vivere liberi, uguali e senza oppressione etniche, religiose, con una libertà, possono avere la sessualità che vogliono. Continua l'appello con lo sfruttamento della natura, gli attacchi ai diritti dei popoli, il controllo dei corpi e delle vite delle donne, la crescita della militarizzazione, la criminalizzazione, la violenza sono dei meccanismi che sostengono l'accumulazione e la depossessione che si basa sull'espansione della merchandising di tutte le dimensioni della vita umana. E vi mando questa piccola generica sigla in francese che ci hanno mandato. Marche mondiale des femmes. Caravane féministe. Nos carnets de route. Acceso a la tierra, la propiedad, la ciudadanía y la alfabetización. Kibo, bio, do, hei, wa, min, chuchu, bio, motomete. Pourquoi appeler la misère, corruption, impunité, à violence aux femmes? E ci mettiamo in contatto con una compagna che sta in questo momento a Belgrado, perché stanno ancora lì per preparare l'inizio che si terrà l'8 marzo. Allora, buonasera, bonsoir. Dunque, tu sei a Belgrado e state preparando l'inizio, la partenza della caravana femminista. Tu es à Belgrade et vous êtes en train de préparer le départ de la caravane féministe. Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc, quand est-ce que ça part? D'où ça part? Vos projets? Oui, alors la caravane, elle va vraiment bientôt partir, puisque ça commence le 6 mars, donc c'est vendredi. Où la caravane va démarrer de Nusaybin, dans le Kurdistan turc, juste à côté de la frontière syrienne, en fait. Et donc c'est là que prendra le départ de la caravane. Le 8 mars, on sera à Diyarbakir, qui est la grande ville du Kurdistan en Turquie. Attends, je vais traduire. Hein. Et donc aussi, siamo per partire, perché la caravana partirà il 6 marzo, c'est comment la ville? Nusaybin, una città nel Kurdistan turco, vicino al confine della Siria. Poi l'8 marzo sarete a l'altra ville, c'est? Diyarbakir, che è una grande città del Kurdistan, in Turchia. Voilà. Oui. Et voilà, et ensuite on continuera tout au sud de la Turquie avec une dizaine d'étapes. Vando poi nel sud della Turchia con una decina di tappe. Pour arriver à Thessalonique en Grèce le 17 mars. Il 17 marzo arrivano a Thessalonica in Grecia. Et puis, si reparliamo, poi on se reparlera à ce moment-là. On se reparlera. Et nous, ensuite, on prend la suite avec des véhicules qu'on est en train de finir de préparer, et on va traverser les Balkans. Voilà, on est en train de travailler aussi avec les copines ici pour voir comment. comment ça se passera. Concrètement, vous êtes combien par exemple? Quante siete? On sera une petite dizaine dans la caravane comme groupe de base. Sono una decina nel gruppo di base. Et puis, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir des places pour que d'autres femmes puissent nous rejoindre pour des plus courts moments. E poi provano ad avere d'altri posti, così delle donne possono raggiungere a certi momenti quando si può. Donc il y a des féministes qui veulent vivre un peu de vie commune avec nous et elles peuvent nous écrire. Si. Soit elles peuvent organiser leur propre voiture, leur propre véhicule, soit dans ce cas-là nous on essaye d'avoir des places disponibles pour ça. Donc, pour avoir un peu d'échange entre nous. Les féministes qui veulent nous rejoindre peuvent aussi organiser avec leurs propres machines ou anche chiedere pour avoir l'espace et voyager avec eux. Quels sont les mots d'ordre? Les mots d'ordre? Les mots d'ordre, les grandes lignes de ce que vous voulez. Alors, au niveau international, on a défini la libération des corps et des territoires. A livello internazionale abbiamo definito la liberazione dei corpi e dei territori. La souveraineté alimentaire, la question de la souveraineté alimentaire est un des axes aussi de cette action. La souveraineté alimentare, che è un asso importante di questo progetto. Et bien sûr, la base de la marche mondiale des femmes, c'est-à-dire la lutte contre les violences et la pauvreté qui affectent les femmes. Et ovviamente la base de la marcia mondiale, qui est la lotta contre les violences et la povertà. Et après, dans le contexte en Europe particulièrement, on s'intéresse à la question du fascisme, de la montée du fascisme. In Europa in particolare, siamo molto interessate comunque vigilante su la crescita dei fascismi. La dégradation des conditions de travail partout. Et donc les modes de résistance des femmes à ce changement. Les modalités de résistance des donne contre tout le sfruttamento al lavoro. Et puis la question de l'avortement, qui est aussi attaquée partout en Europe. Et donc on essaye de documenter, en fait, réunir un peu des stratégies mises en place ici et là. E anche la questione dell'aborto che è messa in pericolo in tutta l'Europa e proviamo a mettere insieme le lotte che sono per l'aborto. Moi j'aurais une question supplémentaire, c'est quand même on va parler un peu des étapes prévues en Italie puisqu'on est ici. L'étape est in Italia, più o meno, lo sapete? Alors on prévoit de passer en Italie à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre. Avevamo previsto di passare in Italia alla fine agosto e all'inizio settembre. Mais on est encore en train de travailler le contenu exact des étapes. Il y aura très certainement une étape à Rome. Stiamo lavorando sul contenuto delle tappe. Sicuramente ci sarà una tappa a Roma, a Torino. Et en fait, on va passer aussi en Italie un peu plus tôt en mai, en fait. Milieu du mois de mai, on va passer rapidement à Milan, en fait. Et passeremo anche velocemente à Milano, à metà maggio. Voilà, avant de monter en Suisse. Prima di andare in Svizzera. Alors, je vais arrêter là parce que je pense que c'est quelque chose que on va suivre peut-être pas chaque semaine, mais en tout cas très très sérieusement en vous suivant le plus possible. On sait que vous êtes en lien avec des radios, que vous voulez divulguer le projet dans les radios et nous on va le faire. Donc io adesso mi fermo perché comunque seguiremo il vostro percorso a lungo, forse non tutte le settimane, ma comunque seriamente. E ci metteremo in contatto con anche altre radio per divulgare tutte le informazioni. Si tu n'as rien à ajouter, je vais te remercier. Ben non, juste simplement dire notre adresse mail c'est femvan@marchemondiale.org. Oui. Donc ça c'est une chose et on va lancer le site web là dans les jours qui viennent et donc ce sera plus facile d'accéder à plus d'informations, à des vidéos, à des photos, à tout ça. Donc io ridò il contatto mail che è femvan@marche che si scrive marchemondiale.com e poi fra un po' il nostro sito sarà com, scusa, ma org, org, org. Ah, cioè, ouais. J'ai comme moi sous la dunque org femvam mm-hmm. coachlamarchemondiale.org che ritrovate anche sul nostro blog e il loro sito sarà fra un po' possibile di essere letto e avere più informazioni. Grazie mille. Merci grazie. Beaucoup et à la prochaine. À bientôt alors. Bon courage ouais. Et bonne chance et bonne joie. Merci. À bientôt. À bientôt, ciao. Du 8 mars au 17 octobre 2015. Du Kurdistan au Portugal. Découvrez le quotidien des femmes. Leurs préoccupations. Leurs forces. Leur résistance. Tous les troisièmes jeudis du mois, retrouvez les carnets de route de la Marche mondiale des femmes. E dunque questo era un piccolo spot in cui fatto per una radio femminista in Francia, in cui dicono ci saranno i libretti del percorso, le carnet de route per scoprire la vita e le resistenze di tutte le donne che incontreranno durante il percorso.